Allô, j'écoute. Ouais, Nico, c'est Steph. Oui. Oui, donc tu bon, voulais... Bon, Steph. Oui, je t'écoute, hein. Oui. Alors, je disais donc tout à l'heure, tu peux tout me dire avec moi. Comment es-tu habillée? Bah, je suis classique. Oui, c'est bien. En petite jupe en jean. Oui. Avec un petit haut décolleté. Et puis? Et puis, un string. Oui. Et puis un soutien-gorge. Ah oui, tu as un soutien-gorge et un string. Exactement. Et un string, quelle couleur? Rose. Oui, et un soutien-gorge, quelle couleur? Bah, rose aussi. Oui. C'est l'ensemble. Oui, je vais poser une question. Vas-y. Tu peux tout entendre? Je peux tout entendre. Bon. Est-ce que tu t'es déjà arrivé de porter des vêtements sans lingerie? Bah, mes nuisettes, par exemple. Oui, mais en dehors de ça? Bah, en dehors de ça. Bah ouais, ça m'est déjà arrivé, bien sûr, pour sortir en boîte le soir. Oui, c'est-à-dire, précise. C'est-à-dire, bah, maillot de bain. Non, mais en dehors du maillot de bain? Bah rien, je suis déjà arrivé en robe avec rien en dessous. Oui, c'est-à-dire, précise. Bah, c'est-à-dire, si je suis en robe et que j'ai rien en dessous, bah j'ai pas de lingerie. Oui, la dernière fois que c'est arrivé. Excuse-moi. Non, mais pourquoi tu ris? Non, mais parce que tes questions sont un peu bizarres, Nico. Oui, oui. Donc non, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, il y a 4 jours. Oui, c'est-à-dire, tu t'es habillée comment? Eh ben, c'est-à-dire que j'étais habillée avec une robe et rien en dessous. Et c'était une robe qui était courte? Voilà, mais ça t'excite? Oui, je trouve ça très bien. Une femme qui ne porte pas de lingerie, ouais. Je trouve ça très bien. Donc voilà, non mais, et j'avais une robe courte. Eh ben, je te félicite. Bah merci. Ouais, ben, Cécile, il paraît qu'elle porte rarement de lingerie. Exactement. C'est vrai, Nicolas. Ah bah tiens, je te la passe. Oui, c'est vrai. Je mets jamais rien sous mes vêtements. Bonjour, ma chérie. Comment ça va, mon cœur? Oui, ça va très bien. T'es où, là? Là, je sors des toilettes. D'accord. Oui, parce que j'ai fait caca. Ah, d'accord, c'est bien de me le dire. Et c'était bien ou pas? Oui. Tu voulais me parler? Oui, je voulais savoir une chose. Oui. Est-ce vrai qu'un jour, à l'émission, tu as montré tes seins? Hors antenne, ouais. Hors antenne? Enfin, je l'ai montré, oui, à l'antenne, mais personne ne l'a vu. Il y a que des garçons ici qui l'ont vu. Mais t'aimes ça? Je me posais une question. Oui. Et pourquoi pas le bas? Bah parce que pour l'instant j'ai pas eu l'occasion, mais pourquoi pas effectivement. Oui, et tu irais jusqu'où? Non mais parle-moi un peu de toi, t'es comment là? T'es habillé, t'es pas habillé, t'es allongé, debout? Je suis en pyjama. D'accord. Est-ce que tu penses à moi souvent? De temps en temps. Et il t'arrive de faire quoi? Oui, mais tu m'as pas répondu à ma question. Est-ce que je t'excite? Je peux répondre oui. D'accord. Et tu te touches là? Oui, bon, je vais te poser une question. Quoi? Tu te touches? Oui. Mais pourquoi tu te touches? Bah, il n'y a aucune honte à se toucher. Ouais, mais tu te touches quoi? Mais devine. Le nez? Non. Les oreilles? Non. Plus bas. La joue? Plus bas. Les seins? Non, plus bas. Le genou? Non, plus haut. La jambe? Enfin, la cuisse? Toi, où tu as la foufoune? Oui. As-tu compris? Bah, là où t'as ton zizi, quoi. Oui, ce n'est pas sale. Et c'est bon? Oui. Ça te plaît? Oui. Tu sais que t'as une voix qui m'excite quand même? Si t'étais devant moi, bah, je me mettrais à poil. Eh ben, mets-toi à poil. C'est vrai? Mets-toi à poil. Attends, bouge pas. À poil, à poil, à poil. Ça va, Nico? C'est Coé? Oui, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je vais être en retard à mon travail. Ça va, Nico? Oui, bah, c'est Coé. Non, merci. Hein. Bah, pourquoi? Non, merci. Tu te touches le zizi pendant que tu parles? Non, non, allez. Moi, je n'ai pas le temps. Vu l'heure qu'il est, moi, je vais être en retard à mon travail. Nicolas, le pervers, se touche le zizi pendant que tu parles. Nicolas, c'est le zizi. Je l'ai touché.